Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple, car l'humilité précède la gloire. Jacques Limbi. Ne veut pas dire qu'on a tout perdu dans la vie. Il suffit de cultiver l'effort, vous verrez le bonheur. Papa, on n'avait pas les moyens pour m'envoyer à son bon. Maman aussi est partie, oh, elle m'a laissé tout petit. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer à moi, oh. Maman aussi est partie, oh, elle m'a laissé tout petit. C'est là où la vie a commencé. Je voulais à tout prix réussir. Je voulais devenir un homme exemplaire. Car les enfants de Dieu sont toujours devant. Moi, je voulais pas devenir zéro dans la vie. Pour affronter la vie, maintenant j'ai pris mon courage. Pour affronter la vie, j'ai plié mon pantalon. Pour affronter la vie, j'ai retroussé ma manche. Pour affronter la vie, j'ai serré ma ceinture. Pour affronter la vie, attaché ma cravate. Pour affronter la vie, oh. Marquis de Paris, dans tous les restaurants de Paris. Parlez, longue, longue aux Zénith. À toute la jeunesse, oh, il faut travailler. Jeunesse de mon Afrique, il faut travailler. Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Ne plongez pas dans les alcools, il faut travailler. Ne vous droguez pas, mes frères. travailler. Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Les jeunes filles, évitez la grossesse précoce. Ah, monsieur la dirigeant, la jeunesse travaille. Oh. Ah, monsieur Longo maintenant, les enfants veulent aller à l'école. Mais le corps public est devenu pour les riches. Et nous les démunis, allons nous faire. Et l'école privée coûte cher. Où allons-nous étudier? Il a donné le pouvoir au peuple.